Chapitre 20. Prisonnier de la mer. Les gémissements lamentables de Sacripanti avaient fini par réveiller la curiosité d'Atlantis. Elle parut. En peu de mots, on la mit au courant du désastre. Bien loin de partager l'agitation générale, la fille de Chariclès accepta l'événement sans perdre de sa sérénité. « Qu'importe après tout, dit-elle, puisque René maintenant a tous les siens auprès de lui, que peut-il craindre ou désirer davantage? Ne sommes-nous point parfaitement heureux et tranquilles en ce séjour? N'y sommes-nous pas ensemble? Quant à moi, j'y consens, restons-y toujours. Nous continuerons l'histoire des Atlantides, voilà tout. Chariclès vous enseignera les secrets de son art pour cultiver le sol et vivre à l'aise sous 1000 mètres d'eau. Phébus, m'a-t-on dit, a fait 17 fois le tour de la terre depuis que je suis au monde. Pendant presque tout ce long espace de temps, j'ai vécu indifférente aux choses du dehors. À vrai dire, la curiosité a fini par s'éveiller en moi. Un ardent désir de connaître mes semblables est venu troubler ma tranquillité. Mais maintenant, ce désir est satisfait. Je vous vois, je vous chéris déjà comme étant de ma famille. Vivons ici, puisque le sort nous y condamne. Et croyez en mon expérience, on n'y est pas malheureux. Bonté divine ! S'écria Madame Caudal quand elle comprit le sens du discours de la jeune fille. Cet enfant a perdu l'esprit ? Me voyez-vous changer en sirène et terminant mes jours dans ce gouffre ? Voyez-vous Hélène condamnée à cette geôle ? Non, non, il faut en sortir, fût-ce à la nage. Pour mon compte, je ne pardonnerai jamais à ce malheureux prince d'être venu nous mettre, c'est bien le cas de le dire, des bâtons dans les roues et nous empêcher de sortir du trou où nous avons eu la sottise de nous fourrer. Cette situation est horrible, il y a de quoi en perdre la raison. Chère tante, dit Hélène, désolée de l'état d'esprit où elle voyait sa mère adoptive, il y a une consolation dans notre malheur, comme le dit très justement Atlantis, c'est que nous sommes ensemble. Rappelez-vous votre désespoir quand nous ignorions le sort de René. Quelle différence dans la situation présente, s'il fallait rester des années ici. Grand merci, s'écria vivement Madame Caudal. Comme tu y vas, des années, si tu crois que j'en ai autant que cela à perdre. Et c'est singulier, depuis que je nous sais prisonniers, il me semble que l'air me manque. Positivement, on étouffe ici, ne trouvez-vous pas ? Simple illusion, je vous l'assure, chère madame, dit Patrice. L'air est des plus respirables, il est même d'une pureté extraordinaire. À vrai dire, avec une pareille pression sur notre voûte, nous ne risquons guère de le voir se raréfier. Et les appareils à oxygène que j'étudiais tout à l'heure sont d'une merveilleuse perfection. Tenez, mon cher Patrice, interrompit Tante Alice comme poussée à bout. Ne venez pas me parler d'appareils à oxygène, ni de toute l'odieuse fantasmagorie où nous vivons, car vous me faites bouillir. De l'oxygène, quand je pense au bon air pur qu'on respire tout simplement dans mon jardin. Oh, mon pauvre jardin! Et ma maison, elle doit être en bon état. Je suis moralement certaine que Jeannette profite de mon absence pour laisser s'accumuler la poussière dans tous les coins. Hier, elle aurait dû, selon l'habitude, faire à fond le grand salon. Ah, je suis bien sûre qu'elle n'y a pas même touché, ou qu'elle l'a fait pour la forme, sans seulement déplacer les meubles. Ses servantes sont toutes pareilles. La meilleure ne vaut rien. Pourtant, Jeannette vaut son pesant d'or. Je vous l'ai souvent entendu dire, tante Alice, reprit Hélène, heureuse de voir les soucis de la ménagère remplacer pour un instant l'effrayante réalité. Eh, sans doute, quand je suis là à la surveiller. Mais je te demande un peu ce qu'elle doit faire quand je la quitte pour courir la prétentaine à des 100 000 mètres sous l'eau. Heureusement, on ne sait pas où je suis, car ma parole, j'en aurais honte s'il fallait l'avouer à aucune de nos connaissances. Pense un peu à ce que dirait Madame Dutille ou Madame Calvert. Il est certain que cela leur ferait un drôle d'effet, s'écria Hélène dans un frais éclat de rire. Madame Calvert a pour principe bien arrêté, a beau mentir qui vient de loin. Je lui ai entendu dire 100 fois. Si nous lui contions nos aventures, elle aurait quelque raison de douter, il faut en convenir. Aussi, nous n'aurons garde d'en souffler mot si jamais nous avons le bonheur de sortir de ce puits. Mon Dieu, Chaque minute qui s'écoule me paraît un siècle. René, Étienne, quel est votre avis? En sortirons-nous, oui ou non? Dites-le-moi franchement. J'aime mieux savoir à quoi m'en tenir. » René venait de reparaître, suivi de Kermadec. Tous deux, dès le premier moment, étaient allés visiter la chambre à eau inférieure, restée vide et ouverte. « Ma chère mère, » dit René, « je vous crois assez courageuse, en effet, pour préférer la vérité à un mensonge rassurant. Eh bien oui, on parviendra peut-être à sortir d'ici. Tout dépend de la possibilité de redresser le bateau qui nous barre le passage. Vous ne vous rendez pas probablement compte, ni les uns ni les autres, du poids formidable de ce bateau d'acier ainsi couché sur bâbord. Nous sommes 5 hommes vigoureux. Si je dis 5, c'est que nous ne pouvons pas compter sur Chariclès qui est mourant. Vous êtes 3 femmes qui, à la rigueur, représentent la force d'un homme ordinaire. Eh bien, avec ces forces seules, il est matériellement impossible que nous arrivions à mouvoir l'obstacle d'un centimètre. « Eh bien alors, c'est fini? Nous voilà enterrés vifs ?» interrompit vivement Madame Caudal. « Non, car s'il est impossible, avec l'unique force de nos bras, d'arriver à relever le bateau, nous ne pouvons manquer d'y parvenir grâce aux moyens mécaniques puissants qui sont à notre disposition dans cette merveilleuse installation sous-marine. Bien nous en prend d'être tombés chez des gens doués intellectuellement comme les Atlantes. « Fort bien, » dit Madame Caudal. « Mettons-nous donc à l'œuvre sans retard. Et dans combien de temps sortirons-nous? J'avoue que chaque minute me paraît un siècle. »« Hélas, chère maman, » dit René attristé, « armez-vous de courage. Quel chagrin j'ai de penser que c'est pour me chercher que vous êtes descendue dans ce tombeau. »« Comment ?» dit Madame Caudal en pâlissant. « Ce sera long ?»« Très long. »« 8 jours ? 15 jours ?» Peut-être des mois, sinon des années, ma pauvre mère. Pensez donc à ce qu'il faudra de temps et d'efforts pour arriver soit à établir les machines nécessaires, soit à construire une nouvelle chambre à eau autour de celle-ci. Nous aurons tout à faire, et l'espoir seul de réussir soutiendra nos labeurs. Des mois, sinon des années, répétait Madame Caudal atterrée. Allons, c'est dit, je ne reverrai jamais la France. « Je vous demande pardon à tous d'être si peu courageuse, mais j'avoue que cette perspective me glace le sang dans les veines. Des années !»« Oh, tante Alice, courage !» s'écria Hélène en la serrant entre ses bras. « Peut-être réussiront-ils plus tôt, et puis, enfin, nous sommes ensemble. Cela, rien ne saurait nous l'ôter. Rien que la mort qui ne peut tarder au fond de cette tombe !» murmura Madame Caudal. « Te rappelles-tu, Hélène ?» ajouta-t-elle les lèvres tremblantes. « La terreur que j'ai toujours éprouvée à l'idée d'être enterrée vivante? Oui, depuis ma première enfance, voilà mon cauchemar. Je rêve cela, ou que je suis étouffée. Me voilà bien maintenant. »« Je vous supplie, ma mère, » s'écria René désolé. « Ne vous abandonnez pas à ces idées lugubres. Espérons, ne nous laissons pas abattre, et travaillons avec ardeur. Là est tout le salut pour nous. » Mais en vain René et Patrice s'efforcèrent de ranimer le courage de la pauvre Madame Caudal. Elle semblait plus que démoralisée, anéantie, et la résolution que témoignait Hélène n'avait aucune influence sur elle. Monte Cristo était d'ailleurs dans un état aussi lamentable, accablé, affalé sur son siège, les bras pendants, l'œil atone, il ne rappelait plus le fringant cavalier qu'on avait connu jusque-là. Quant à Sacripanti, accroupi contre le fatal bateau, il s'épuisait en efforts impuissants pour le remettre sur sa quille à coups d'épaule. Il semblait avoir complètement perdu la tête. Tout à coup, Atlantis, dont les grands yeux d'aigle marine avaient suivi sur le visage de ses compagnons les émotions les plus fugitives, s'éloigna d'un pas léger et alla retrouver Chariclès. Elle reparut bientôt sur le seuil de la chambre à eau et, élevant sa voix claire, « René, Hélène !» dit-elle. « Accourez tous rejoindre mon père. Je lui ai dit votre douleur, et il vous appelle tous auprès de lui. » Heureux de cette diversion, René s'empressa de conduire sa mère devant la couche de Chariclès. Il lui fallut la soutenir, tant le désastre avait abattu ses forces. Tous se réunirent au pied du lit de pourpre, entourèrent le siège qu'Atlantis y avait avancé pour Madame Caudal. Le vieux Chariclès, soulevé sur ses coussins brodés, accueillit ses hôtes avec un franc sourire, le calme souverain de son front, le regard imposant de ses yeux creux, leur causèrent à tous une vive impression. « Vous voilà mieux, mon père, » dit involontairement René. « En vérité, on dirait que vous allez revenir à la santé. »« Ne t'y trompe pas, mon enfant, » répondit Chariclès avec sérénité. « Mes moments sont comptés. La lampe va s'éteindre faute d'huile. Cette lueur de vie sera la dernière. Mais avant de mourir, je veux vous confier un important secret. Atlantis, verse dans ma coupe le cordial des aïeux. J'ai beaucoup à parler et mes forces pourraient me trahir. » Atlantis s'élança pour obéir et après avoir trempé ses lèvres dans la coupe, le vieillard reprit la parole. « Mon secret, dit-il, j'avais toujours pensé à mourir en l'emportant dans la tombe, le confiant seulement à ma fille qui, à son tour, plus tard, l'aurait confié à son fils, ainsi que cela s'est pratiqué dans la famille depuis des siècles. Mais devant le désespoir de ces hôtes amenés ici par le hasard et qui vont me remplacer auprès de mon enfant orpheline, je n'hésite plus. Comme l'a pensé René, il faudrait des années pour remettre à flot le bateau sous-marin, en admettant qu'on n'y réussit jamais. Heureusement, il est un autre moyen de sortir du domaine d'Amphitrite. Ce moyen le voici. L'un de mes ancêtres, le sage Oulyssos, avait vécu tous ses jours au fond de l'Atlantide. Jamais il n'aurait souhaité jouir de la vie extérieure, convaincu d'après ses lectures que le bonheur n'existait pas sur la terre et que les seules Atlantides, séparées du monde, en détenaient la formule. Mais, quand il atteignit ses 20 ans, son père le maria à la belle Eucharis. Cette jeune fille avait dès l'enfance été courbée sous le poids d'une étrange mélancolie. Sujette à des accès de sommeil cataleptique, elle en sortait toujours comme à regret, plus triste, et levant vers la voûte de cristal de la prison commune un regard plus chargé de nostalgie. Quand elle fut mariée à Oulyssos, elle finit, pressée de questions, par lui avouer le motif de sa tristesse. Elle se mourait du désir de connaître la terre, de respirer l'air pur, de recevoir les vivifiants rayons du soleil. Dans ses crises de sommeil, elle se croyait transportée là-haut. Elle vivait en simple mortelle, courant dans les bois, jouant au soleil, cueillant les fruits et les fleurs de la grande mer commune. Ses visions étaient les seuls instants de bonheur qu'elle eût jamais goûtés depuis qu'elle avait appris l'existence du monde extérieur. « Chaque jour, disait-elle, les murs qui l'entouraient pesaient plus lourdement sur ses épaules. Il lui semblait être accablé sous le poids d'une cape de plomb. Si Oulyssos ne voulait la voir mourir sous ses yeux, il fallait qu'il trouvât un moyen de percer ses ténèbres glauques, de la conduire vers le ciel, vers les étoiles, vers la lumière et vers la liberté. On ne connaissait pas encore de moyen de monter à la surface. Vivement touché du désespoir de sa jeune femme, Oulyssos, ingénieur des plus habiles, entreprit de creuser un tunnel qui aboutit à une terre peu éloignée pour contenter son désir et lui faire respirer l'air des vivants. Hélas, avant que la 20e partie n'en fût construite, la triste Charis, dévorée de nostalgie, s'endormait pour jamais, sans avoir pu contempler un moment le ciel, objet de tous ses rêves. Oulyssos la pleura amèrement, mais alors même que, obéissant à son père, il eut formé de nouveaux liens avec la charmante Lalagée, il garda le souvenir de la pauvre exilée. Ne voulant pas qu'une autre fille de sa race périt comme elle de la douleur de n'avoir pas vu la terre, il continua son tunnel sous-marin. Après des années de labeur, il conduisit à bien son entreprise. Le tunnel existe encore. Il mène, au bout d'un parcours de 30 stades environ, à une des Açores, une petite île nommée Santa Maria, m'a-t-on dit. Par cette voie, vous pourrez tous sortir d'ici quand vous voudrez. On peut imaginer la joie de Madame Caudal, sans parler des autres, à l'énoncé de cette rassurante nouvelle. Chacun comprit, au poids énorme dont son cœur se trouva soudain soulagé, avec quel plaisir il avait accepté la perspective de rester un temps indéfini au fond de l'eau. Si l'on eût écouté Sacripanti, on serait parti sur l'heure, sans attendre un instant. Madame Caudal elle-même, malgré son impatience, n'eût pas voulu abandonner le bon vieillard dans l'état où il se trouvait. Elle se contenta de demander, les yeux brillants de joie, qu'on lui indiquât l'entrée du bienheureux tunnel. « Elle n'est pas bien éloignée, » dit Chariclès, toujours calme et souriant. « C'est derrière la muraille de cette grotte même qu'elle se trouve, sous un massif de fleurs. Vous y entrerez et vous n'aurez qu'à marcher droit devant vous, après avoir allumé l'étincelle électrique. Le sol est recouvert du sable le plus fin, les murs tapissés de pariétaires charmantes. Vous parcourrez sans fatigue les 30 stades du chemin patiemment creusé par mon aïeul. Au bout de la route, vous trouverez une porte de cristal, fermée d'une serrure d'or et masquée par un rocher au fond d'une grotte. Cette grotte est sur le rivage même de Santa Maria. Ma fille, ajouta Cariclès, donne-moi la cassette de Santal qui est placée dans mon coffre. La clé y est enfermée. Atlantis s'empressa d'ouvrir le grand coffre d'ivoire qui se trouvait au chevet du lit de Cariclès. Elle en sortit une cassette en bois de santal du plus curieux travail qu'elle apporta à son père. Le vieillard ouvrit la cassette, il en prit d'abord la clé et, après avoir fermé les yeux un instant et murmuré quelques paroles qui semblaient une sorte d'invocation, il la remit à sa fille à qui, dit-il, elle appartenait de droit, comme héritière directe d'Ulyssos. Atlantis la reçut avec respect et l'attacha incontinent à la chaîne d'or fin qui entourait son cou et se perdait sous les plis neigeux de sa tunique. Cariclès, continuant ses recherches dans la cassette, en tira ensuite un rouleau de papyrus chargé de caractères antiques qu'il offrit à René. « C'est, dit-il, l'histoire complète de la terre d'Atlantide, depuis les temps les plus reculés. Étudie-la avec respect, mon fils. Tu trouveras dans ces pages de nouveaux motifs de vénérer la race d'où est issue ta fiancée. Et maintenant, ajouta Cariclès, pensons à des choses moins hautes. Voici un objet qui, sous son petit volume, représente, me dit mon père quand il me le légua, une somme fabuleuse. Ce sera la dot de ma fille. J'ai ouï dire que ces perles, ces verrues de l'huître perlière, ont chez vous une grande valeur. Me trompais-je ? En disant ces mots, Cariclès dénouait un petit sac de peau au parfum étrange et pénétrant et faisait rouler sur ses genoux une poignée de perles merveilleuses. Il y en avait de toutes les formes et de toutes les grosseurs, depuis celle d'un pois jusqu'à celle d'une amande. Leurs doux éclats, leur blancheur laiteuse, leur orient incomparable firent pousser un cri d'admiration générale. Seul Atlantis regardait avec indifférence ces joyaux sans pareil, tandis que Madame Caudal et Hélène déclaraient n'avoir jamais rien vu de si splendide. Cariclès, tout heureux de leur admiration, se fit alors donner par Atlantis une seconde cassette qui se trouvait dans le coffre d'ivoire, et offrit à ses hôtes, avec une majestueuse bonne grâce, toute une collection de bijoux antiques. Sans avoir la valeur étourdissante des perles d'Atlantis, les joyaux étaient précieux aussi, et par la matière seule et par l'étrangeté de la mise en œuvre. À Madame Caudal, il présenta une chaîne d'une finesse inouïe. Malgré sa longueur, elle aurait presque tenu dans un dé à coudre si elle n'eût porté à de courts intervalles, en guise de coulant, de superbes perles noires. Cette chaîne était formée de ce même métal inconnu que la bague offerte par Atlantis à René lors de leur première entrevue et qui n'avait jamais quitté son doigt depuis ce jour. Cariclès pria en outre Madame Caudal d'accepter, pour retenir son voile sur ses cheveux, dit-il, de longues épingles d'or d'une exécution à la fois barbare et exquise, deux agrafes de ceinture et plusieurs de celles qui servent à fixer le péplum sur l'épaule ainsi qu'il l'expliqua à la bonne dame, tout effarouchée à l'idée de se voir en tragédienne. Puis, tournant vers Hélène un sourire bienveillant, le vieillard se plut à fermer lui-même autour de ses minces poignets deux lourds bracelets d'or, à entourer son cou svelte d'un collier d'opale et à placer enfin sur ses beaux cheveux des bandelettes blanches brodées de perles fines qui donnèrent soudain à son mutin visage quelque chose de la gravité aussi bien que de la beauté antique. Atlantis, rieuse, jeta vivement sur les épaules d'Hélène une longue tunique de laine blanche semblable à celle qu'elle portait et battit des mains en la voyant ainsi transformée en grecque et si charmante. Il eût été difficile de voir deux sœurs plus aimables, en effet, que l'Ondine et la jeune Terrienne en ce moment. Patrice et René reçurent chacun une bague, Kermadec une coupe formée d'une énorme coquille de nacre montée en platine et posant sur un pied de corail rose. En outre, Chariclès pria ses hôtes d'accepter un ballot de merveilleux tapis. « Le jeune gars, dit-il en désignant Kermadec, se fera un jeu de les transporter là-haut sur ses robustes épaules. » Retirant alors de l'inépuisable coffre d'ivoire un second sac de peau, beaucoup plus grand et plus lourd que le premier, Chariclès se tourna vers Patrice et le pria, d'un air de noble simplicité, d'en vouloir bien accepter le contenu à titre d'honoraire pour ses soins. Patrice voulut s'en défendre, mais le vieillard mit à insister une bonté paternelle. Quel ne fut pas le battement de cœur du jeune docteur, qui était pourtant le désintéressement fait homme, lorsque Chariclès délia le sac et en versa le contenu sur le bord de sa couche. C'était une collection de monnaies grecques et phéniciennes qui devait être, grâce à leur antiquité, d'une valeur considérable. Patrice ne put s'empêcher de jeter un regard éperdu vers Hélène. Voilà donc cette fortune qui lui manquait et qui était le seul obstacle que sa fierté maintint encore entre elle et lui. Chariclès avait suivi d'un regard fin le reflet des émotions sur le visage expressif de Patrice. « Accepte sans scrupule cette offrande de ton malade, jeune disciple d'Esculape, dit-il en souriant. « Ce sera toujours un commencement pour entrer en ménage. »« Mais votre fille, Renée, balbutia Patrice. « Ma fille est pourvue au-delà de ses besoins, répliqua Chariclès. « Ne le serait-elle pas ? Doutes-tu qu'elle aussi ne voulut reconnaître les soins que tu as donnés à son vieux père ? Va, elle n'est point ingrate. Jamais d'ailleurs elle ne connut l'usage de ce métal dont vous autres là-haut faites tant de cas. Si je te l'offre, c'est que chez vous de tels objets acquièrent de l'importance. Accepte, jeune homme, et laisse Chariclès remercier les dieux s'il peut, avant de mourir, t'être utile à quelque chose. » Ainsi pressé, Patrice ne put moins faire que d'accepter avec reconnaissance. Madame Caudal, déjà ravie de la dot royale attribuée à Atlantis, ne put dissimuler la satisfaction qu'elle éprouva à voir Patrice également bien loti. En vérité, cette grotte avait du bon, et l'excellente femme commençait à comprendre enfin ce goût des voyages qui l'avait tant tourmenté chez son fils.